dans la tête, j'ai du bloc, j'ai des bafons de la ville, mal en cause, garde la rue. On s'insiste, on leur prouve qu'on existe, le sac, qu'est-ce que t'as cru? J'ai creusé, mais je n'ai toujours pas trouvé de pétrole, les autres sont fait crever. On quittait l'école pour une autre école. Je peux pas lâcher, échouer, je pourrais fâcher la famille. Je crois que j'ai assez cravaché, on m'appelle plus la famille. C'est pas tout ce qu'il aura fallu, je sais pas si j'en un bête salut. Qui peut me stopper, qui est où, mais pour tout même la rue m'a pas eu. Super héros, super héros. Je suis monté, avec tout le poids des miens sur les épaules. Mais n'allez surtout pas vous tromper, j'ai jamais voulu devenir une icône. Je peux pas lâcher, échouer, je pourrais fâcher la famille. Je crois que j'ai assez cravaché, on m'appelle plus la famille. C'est pas tout ce qu'il aura fallu, je sais pas si j'obtiendrai le salut. Qui peut me stopper, qui est oublié pour tout, même la rue m'a pas eu. C'est pas tout ce qu'il aura fallu, je sais pas si j'obtiendrai le salut. Qui peut me stopper, qui est oublié pour tout. Même la rue m'a pas eu. Super héros, super héros, super héros, super héros, super héros, genre super héros, super héros, super héros, super héros, super héros. Salut, qui peut me stopper, qui est oublié pour tout, même la rue m'a pas eu. C'est pas tout ce qu'il aura fallu, je sais pas si j'obtiendrai le salut. Qui peut me stopper, qui est oublié pour tout, même la rue m'a pas eu. Super héros, super héros, super héros, super héros, super héros, je suis super héros. Super héros, super héros, super héros.